Le départ résolu, il n'y avait pas une heure à perdre. Le jour même, Lord Glenarvan expédia à John Mangles l'ordre d'amener le Duncan à Glasgow et de tout préparer pour un voyage dans les mers du Sud qui pouvait devenir un voyage de circumnavigation. Le Duncan était un yacht à vapeur du plus bel échantillon. Il avait deux mâts, sa voilure était suffisante, mais avant tout il comptait sur sa machine d'une force effective de 160 chevaux. Il pouvait partir et faire le tour du monde. John Mangles n'eut à se préoccuper que des aménagements intérieurs. Il emmagasina pour 2 ans de vivres. L'argent ne lui manquait pas. Il en eut même assez pour acheter un canon à pivot qui fut établi sur le gaillard d'avant du yacht. John Mangles comptait parmi les meilleurs skippers de Glasgow. Il avait 30 ans. C'était un enfant du château que la famille Glenarvan éleva et dont elle fit un excellent marin. Le second, Tom Austin, était un vieux marin digne de toute confiance. 25 hommes, en comprenant le capitaine et le second, composaient l'équipage du Duncan. Tous appartenaient au comté de Dumbarton, tous matelots éprouvés. Lord Glenarvan avait là une troupe capable de le suivre dans les plus hasardeuses expéditions. John Mangles n'oublia pas d'aménager les appartements de Lord et Lady Glenarvan pour un voyage de long cours. Il dut préparer également les cabines des enfants du capitaine Grant, car Lady Helena n'avait pu refuser à Mary la permission de la suivre à bord du Duncan. Quant au jeune Robert, John Mangles fut chargé de lui apprendre le métier de marin. Pour compléter le rôle des passagers, il suffira de nommer le major McNabbs, un homme âgé de 50 ans, qui possédait au suprême degré non seulement le vulgaire courage des champs de bataille, mais mieux encore le courage moral, c'est-à-dire la fermeté de l'âme. McNabbs, en sa qualité de cousin des Glenarvan, demeurait du château de Malcolm, et en sa qualité de major, il trouva tout naturel de prendre passage sur le Duncan. Tel était donc le personnel de ce yacht. Une foule considérable venait chaque jour le visiter. On ne parlait que de lui, au grand déplaisir des autres capitaines du port, entre autres du capitaine Burton, commandant le Scotia, en partance pour Calcutta. Cependant, tout l'intérêt se concentrait sur le yacht de Lord Glenarvan et s'accroissait de jour en jour. Un mois après ses essais dans le golfe de la Clyde, le Duncan, arrimé, approvisionné, aménagé, pouvait prendre la mer. Le départ fut fixé au 25 août.